Beaucoup de bruit au rez-de-chaussée, des gens s'activent, d'autres s'assied autour du bar et du piano. Certains chantent pour patienter, d'autres boivent les yeux vitrés. J'assiste au spectacle et me tais, laisse l'ambiance me transporter. Les gardiens de l'entrée ont choisi de fermer la lourde porte vitrée comme pour nous garder. C'est là que j'attendais. Derrière les portes du cabaret. Soudain s'éclaire un escalier. Un homme étrange vient me chercher. Me dit descendez s'il vous plaît, le patron va vous auditionner. Dans la salle voûtée je croirais attendre le jugement dernier. La fumée opaque vient se mélanger aux lumières rougeâtres des spots. Je crois être dans l'âtre d'une vieille cheminée. C'est là que j'espérais. Dans les sous-sols du cabaret. J'entends sa voix qui gronde, c'est l'heure. D'un regard sombre, le maître a tranché. Et des ombres se lèvent pour venir m'enchaîner. Dites-moi que mon heure va sonner. C'est là qu'il me gardait. Dans son foutu. Reclus dans son paradis sans bruit. Le grand patron se souvient.